إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on continue inshallah ta'ala explication langue française du livre du savant Abd al-Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badr qui s'intitule Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Saint-Coran. On est encore fi surat al-Tawbah, dans la surat du repentir. Et aujourd'hui, on va étudier le dernier hadith, ou arfon, le dernier verset que le shaykh a choisi parmi tous les versets de surat al-Tawbah. Fayaqul le shaykh, hafidhahullahu ta'ala, qawluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alayma anittum, harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Donc ça, c'est le verset 128 de surat At-Tawbah. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. C'est comme ça que Allah Azza wa Jal, dans son livre, il a décrit notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة بيان امتنان الله عز وجل على عباده بأعظم منه، ويرساله رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لهدايتهم إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما قال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Le cheikh dit que dans ce verset, Allah Azza wa Jal met en évidence qu'il nous a fait une grande faveur, même la plus grande des faveurs, nous, la communauté musulmane, et les gens de façon générale. Et on va le voir après, dans la suite de l'explication d'aujourd'hui, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam guide les gens, et quelle est en fait la catégorie de cette guidance. Il nous dit donc, le cheikh, hafidhahullah, qu'Allah Azza wa Jal, la plus grande faveur qu'il nous a donnée ici-bas, c'est donc le fait qu'il nous ait envoyé le prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il guide les gens sur al-haq, sur la vérité, et qu'il les fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et ensuite, le cheikh a cité ce verset. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes. Menna Allah, menna, qui est donc le fait de faire une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre à la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Parmi ce qu'il a décrit Allah Azza wa Jal à propos de son prophète qui nous a envoyé, Azizun alima anittum, harisun alikum, bil mu'minina raufur rahim, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, lorsque les compagnons avaient des difficultés dans cette vie d'ici-bas, et lorsqu'ils avaient à affronter ce qu'ils ont eu à affronter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela lui pesait lourd sur son cœur, car il pensait à ses frères, car il était compatissant, comme vient dans la suite du verset, qu'il était compatissant et miséricordieux envers les croyants, envers ses frères les croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on avait à regarder, si on avait à prendre des exemples et donner des exemples parmi la sunna sur des faits concrets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accomplis durant son vivant, alors ils sont innombrables. Salawatullah wa salamun alayhi. C'est pour ça que le shaykh yaqulu qad ishtamalat hadhihi al-ayatu al-karima ala wasfihi صلى الله عليه وسلم بصفات عظيمة وهي حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم وحصول ما فيه نفعهم وسعادة في الدنيا والآخرة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم était également, il était harisun alaykum, il était plein de solitude pour vous, harisun alaykum. Donc al-hirs, et al-hirs ici, même si on dit, même si c'est traduit en fait par sollicitude, lorsque le shir il dit, c'est pour ça que j'étais en train de regarder la, ou de comparer entre la traduction et le ma'na, yani la signification, hirsu sallam ala hidayati wa husuli ma fihi naf'uhum wa sa'adatuhum fi ad-dunya wal akhirah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait par tous les moyens à guider les gens. Et si on va, comme on a expliqué, on va voir qu'est-ce que c'est cette catégorie de guidance. Et il cherchait par tous les moyens à ce que les gens puissent atteindre ce qu'ils ont besoin et atteindre leur bonheur, que ce soit dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ça, c'était la fonction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette fonction qu'il a accomplie de par son cœur et de par ses actes. Salawatullah wa sallam an alayhi. Et également, que tout ce qui était donc, tout ce qui était dur pour les compagnons, et tout ce qui pouvait leur faire défaut ou leur faire préjudice, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela était dur pour lui, et en fait il était compatissant par rapport à cela. Il avait de la sollicitude compatissante, comme c'est venu dans le verset. C'est pour ça que le shaykh yaqulu annahu dhu ra'fatin wa rahmatin bihim, c'est-à-dire qu'il possède dhu, c'est-à-dire sahib ra'fatin wa rahmatin bihim, c'est-à-dire qu'il possède la douceur, qu'il possède la clémence pour eux. Salawatullah wa salamun alayhi. Dans le verset, il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bi annahu ra'ufur rahim bil mu'minina ra'ufur rahim. Et comme nous explique le shaykh, on voit que ce sont des attributs qui sont également attribués, qu'Allah Azza wa Jalla attribue à lui-même durant son Coran. Inna Allah bin nasi ra'ufur rahim. Donc on voit que dans ce verset, beaucoup de versets, Allah Azza wa Jalla également, il emploie pour donner un wasf, c'est-à-dire une des caractéristiques de lui, subhanahu wa ta'ala, et un de ses, parmi ses attributs, qu'il est également Ra'ufur Rahim. Donc, comme c'est traduit, ou comme on le traduit, qu'il est en fait compatissant, miséricordieux envers les croyants, et c'est également en fait un attribut d'Allah Azzawajal. Donc, comme l'explique le shir, et comme c'est notre croyance, et comme on l'a expliqué maintes fois à travers les cours de la croyance et autres, qu'il n'y a pas de comparaison entre les attributs d'Allah Azza wa Jal et les attributs des humains. Même si c'est le meilleur des humains, le meilleur des hommes, en l'occurrence notre prophète, salawatullah wa salam an alayhi. Aucune comparaison entre l'entité d'Allah Azza wa Jal et l'entité des hommes, entre les attributs des hommes et entre les attributs des créatures et les attributs du Créateur, entre les noms du Créateur et les noms des créatures, entre les actes du Créateur et les actes des créatures. Aucune comparaison à faire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithli shay, wa huwa as-sami'ul basir. Il ne ressemble à rien, Allah Azza wa Jalla. Rien ne ressemble à lui, subhanahu wa ta'ala. Rien ne ressemble à Allah Azza wa Jalla dans tout ce qu'on a cité. Wa huwa as-sami'ul basir. Et on a bien sûr expliqué ce verset à maintes reprises durant nos cours. Min kunuz al-Qur'an al-Karim. Donc, il n'y a aucune comparaison à faire entre ce qui appartient à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ses attributs, et ce qui est de quoi ? Ce qui est des attributs des êtres humains. Il y a simplement la même désignation au niveau du nom. Et ici également une faïda, c'est que le terme Rahim, ou plutôt l'attribut ou le nom Rahim, qui contient donc, ou qui veut dire Dhur Rahma, celui qui possède la miséricorde, et on avait vu donc la différence également entre les deux sortes de miséricorde, la miséricorde qui est annexée à Ar-Rahman et la miséricorde qui est annexée à Ar-Rahim. Ici donc le terme Rahim est repris pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par là on sait qu'il est donc possible de caractériser une personne par cet attribut, contrairement à Ar-Rahman, c'est-à-dire cet attribut qui est propre à Allah Azza wa Jal, ou ce nom qui est propre à Allah Azza wa Jal, et dont on ne peut caractériser quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc contrairement à Ar-Rahim. Donc ça aussi c'est une faïda que l'on prend dans ce verset. Ensuite, il y a Allah subhanahu wa ta'ala Donc ça c'est Naam. Donc ça c'était en fait le dernier passage de Surat At-Tawbah. Maintenant le cheikh va parler ou il va passer à Surat Yunus. À Surat Yunus. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ça c'est Surat Yunus, c'est le verset 25. Verset 25. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Et guide qui il veut vers un droit chemin. Ici, le terme qui est employé par Allah Azzawajal, il a Dar is Salam. Dar is Salam, el ma'na, c'est el Jannah. Comme a dit le Cheikh, Akhbara Subhanahu, Anou yad'u ibadahu ila Dar is Salam, wa yal Jannah. دار البقاء والدوام في النعيم المقيم ودار السلام أو دار السلامة من الآفات والنقائص. Le cheikh nous dit donc que دار السلام, que l'on traduit ici la demeure de la paix, c'est le Jannah. C'est le Jannah, c'est en fait la demeure où la personne va demeurer tout le temps, éternellement. Tout le temps. في النعيم المقيم. نعيم مقيم, c'est-à-dire un délice qui ne s'arrêtera jamais, qui n'a pas de fin, éternel, continuel. Et c'est également Daru Salamati min al-afati wa al-naqais, c'est également la demeure où on sera saint de toute imperfection. Bien sûr, pour ce qui est relatif à l'homme, de toute imperfection. Toutes ces imperfections que l'on avait ici dans cette vie d'ici-bas, on ne les aura plus dans l'au-delà. Ensuite, le shir. Il va nous dire ici, d'après ce verset et également d'autres versets dans le Coran, que Al-Umma, qui est bien sûr ce qu'on traduit par le peuple, ou plutôt Al-Umma qu'on traduit par la communauté, et on avait vu durant nos cours également que Umma prenait plusieurs significations dans le Coran. Et dans la Sunna, plusieurs significations. On avait donné quatre significations. Ala kulli hal, ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummatan. Il nous dit le cheikh que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est de deux catégories. La première catégorie, ummatu da'wa. Et la deuxième catégorie, ummatu ijaba. La première catégorie, si on le traduit donc littéralement, ummatu da'wa, c'est la communauté du prêche. Et la deuxième, Ummatu Ijaba, c'est la communauté de la réponse. Qu'est-ce que veut dire en fait ces deux termes, Ummatu Da'wa ou Ummatu Ijaba? Et comment on pourrait dire, ou comment on peut expliquer que ces deux catégories sont annexées au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sachant que Ummatu Da'wa ou Ummatu Ijaba, il y a bien sûr une différence entre les deux. Ummatu Da'wa, c'est en fait, comme a dit le cheikh, fa ummatu da'wa hum al jinn wal ins min hin bahthati sallallahu alayhi wa sallam ila qiyam as-sa'ah. C'est donc cette communauté qu'on traduit en fait par communauté, mais en réalité ici fa ummatu da'wa, qui serait plus général et que l'on pourrait traduire en fait par le peuple ou les peuples, et qui englobe en fait al jinn wal ins. Al-jinn wal-ins, c'est-à-dire tous les djinns et tous les hommes. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé jusqu'au jour du jugement, il a qiyam as-sa'ah, jusqu'à que l'heure arrive, l'heure de la fin du monde arrive. Ça c'est ummatu da'wa. Donc c'est général et c'est tout le monde, que ce soit les djinns et que ce soit les ins, c'est-à-dire les humains. Et pourquoi donc on appelle da'wa? On comprend maintenant pourquoi on dit ummatu da'wa. C'est-à-dire da'wa, comme il est cité dans ce verset. Wallahu yad'u ila daris salam. Tayyib. Et on va voir également l'explication. Et on va voir également ici diqqatu al-Qur'an, c'est-à-dire la précision du Coran. On va voir comment Allah Azzawajal, ici, va différencier entre ces deux catégories à travers un procédé linguistique que l'on va voir et qui est très très précis. Ummatu da'wa, donc c'est en fait les gens que l'on appelle à l'islam, les gens qui ne sont pas encore rentrés dans la religion. Et on va comprendre donc ici en parallèle que ummatu ijaba, c'est les gens qui ont répondu à l'appel. Les gens qui ont répondu à l'appel et qui sont en fait la communauté musulmane. Qui est la communauté musulmane? Donc le terme Ummah ici est plus restreint que le deuxième terme, même si c'est bien sûr les deux termes ou les deux mêmes termes employés. Le deuxième terme est beaucoup plus restreint et il veut dire en fait la communauté musulmane, ceux qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah azawajal, sont ceux qui ont répondu. C'est pour ça que Ijaba qui est en fait la réponse. Ijaba qui est la réponse. Donc on comprend maintenant Ummatu Dawa qui est en fait par rapport à la prêche, et Ummatu Ijaba qui est par rapport à l'Ijaba. Et comment on pourrait comprendre qu'on a annexé la première catégorie qui est Ummatu Dawa et qui est donc la communauté à qui on appelle ou qui est appelé à rentrer dans l'islam, on l'a annexé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le cheikh ici l'a annexé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Ummatu Muhammad Ummatan, il a dit la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont deux communautés. On le comprend parce que Muhammad, comme vous le savez, il a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam à tous les hommes, que ce soit les hommes que ce soit les djinns, et les versets du Coran et la Sunna, ou les preuves de la Sunna, les preuves du Coran et de la Sunna sont nombreux par rapport à cela. On en a vu plusieurs lorsqu'on a étudié la croyance au prophète. Et donc, par rapport à cela, on voit ici pourquoi on annexe cette communauté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été demandé d'appeler tous ces gens-là à l'islam. Il n'a pas été, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa da'wah, son prêche n'a pas été restreint à une communauté bien précise, ou plutôt à un peuple bien précis. Non. Le peuple dont il a été commandé d'appeler, c'est tous les humains et c'est tous les djinns. Donc c'est ce qui rentre dans Ummatu Dawa. Et c'est pour ça, c'est à partir de là qu'on comprend pourquoi cette catégorie est annexée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il dit le shir, « Wa ummatul ijaba hum alladhina waffaqahumullahu lihidayati ila al-haqq wa al-dukhuli fi al-din al-hanif. » Donc on voit donc la différence tout simplement entre les deux, « al-fariq baynahuma » c'est adoukhoul fil islam. Donc la différence entre les deux, c'est l'islam. C'est l'islam. Le shir nous dit que ce verset comprend les deux catégories. Ce verset-là qu'on est en train d'étudier comprend les deux catégories. Donc si on reprend le verset, yaqul Allah Azza wa Jal, Wallahu yad'u ila dari salam. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام. Ça c'est la première catégorie, et c'est la première catégorie qui est citée par le shir, Ummatu Dawa. Allah Azza wa Jal appelle à la demeure de la paix. Allah Azza wa Jal appelle à la demeure de la paix. Ça c'est la première catégorie, on va expliquer. Et la deuxième catégorie, simplement maintenant pour faire la différence et pour comprendre ensuite, désigner les deux catégories présentes dans ce verset et comment elles sont présentes. Thumma yaqul wa yahdi, yaqul Allah azza wa jalla, wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ça c'est la deuxième catégorie. Et c'est ummatu ijaba. C'est en fait ummatu ijabati, c'est-à-dire la communauté qui a répondu. Comment maintenant on va voir la précision du Coran? Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il cite et il veut dans son livre cette communauté, ou alors on va dire les peuples de façon générale, et qui donc est traduit par le terme Ummatu Dawa, ceux qui sont appelés, on voit ici qu'il y a un haf, ce qu'on appelle haf ou haf ou haf al-maf'ul. يعني كما يقول الشيخ فقوله والله يدعو إلى دار السلام حذف فيه المفعول والمعنى والله يدعو إلى دار السلام كل أحد. طيب ici on voit, même en français on voit que le complément il a été supprimé. Allah appelle à la demeure de la paix. Qui donc lorsqu'on pose la question, Allah appelle à la demeure de la paix, qui il appelle? Donc on voit ici qu'il y a un complément, et que ce complément il a été enlevé. Et le shir donc il nous donne sa signification, la signification de ce complément, et il nous dit kul ahad ila dar salam kul ahad, yani wallahu yad'u ila dar salam kul ahad. Ça c'est al maf'ul bih. C'est le maf'oul, alladhi hudhifa fi hadhihi al-aya, et qui en fait correspond donc à la communauté ou au peuple à qui on fait l'appel, à qui l'appel est fait. Ensuite, on va revenir encore, on va donner encore plus d'explications. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième catégorie, donc il faut simplement maintenant remarquer que le complément, il a été supprimé. Taïeb, maintenant dans la deuxième catégorie, ou la deuxième catégorie qui est citée à travers la parole d'Allah Azzawajal, « وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَقُولُ الشَّيْخُ اُذْهِرَ فِيهِ الْمَفْعُولِ. C'est-à-dire ici que le « al-maf'ul bi », c'est-à-dire le complément d'objet bien sûr, il a été mis en apparence, il est apparu. Et on le voit même au niveau de la traduction, et guide qui il veut vers un droit chemin. Et il guide qui il veut vers un droit chemin, c'est-à-dire qui il veut. Ici, ça va être le complément. Taïeb. Et dans le verset, man yasha, man yasha ou, ça c'est le complément. Donc on voit qu'il est apparu. Alors que dans la première catégorie, il n'est pas apparu. Et bien sûr, c'était entre sous-entendu, entre parenthèses, Allah appelle tout le monde à la demeure de la paix. Allah Azzawajal appelle tout le monde à la demeure de la paix. Et également, ici donc, on va voir que cela se répète dans les versets du Coran. C'est pour ça que le shir un peu plus loin, il va nous expliquer encore un autre verset, ou plutôt nous citer un autre verset, et qui est le suivant, et qui parle ici du prophète sallam, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Kama fi surat Shura, c'est-à-dire la consultation qui est verset 52. يقول الشيخ وحذف في هذه الآية المفعول والمعنى وإنك لتهدي كل أحد إلى الصراط المستقيم. طيب. Donc on voit également ici que la guidance qui est annexée au prophète sallam, et on va voir également la différence entre les deux sortes, les deux catégories de guidance, on voit que cette guidance là qui est annexée au prophète sallam, طيب, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il l'a cité dans son Coran, il a également enlever, soustrait ou supprimer al-maf'ul. Et où al-ma'na, innaka la tahdi ila sirat al-mustaqim. Donc la traduction, le sens de la traduction, traduction du sens plutôt, et en vérité tu guides vers un chemin droit. Qui tu guides? Donc ici al-maf'ul, la question c'est qui tu guides, et donc at-taqdir kulla ahadin, yani tout le monde. Et ça rentre donc dans la quoi? Dans la, bien sûr, la première catégorie qui est ummatu da'wati. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il cite ummatu da'wa, il ne cite pas le complément d'objet. Et ça va donner en fait un aspect général. Ça donne donc ici un aspect général. Am. Alors que quand il cite la deuxième catégorie, Ummatu al-Ijaba, il a cité donc la communauté qui a répondu, qui est la communauté musulmane. Pour encore plus comprendre l'explication de ces deux versets, il faut savoir que al-hidayah tanqasim ila qismain, c'est-à-dire que la guidance se divise en deux catégories. Il y a une guidance qui est propre à Allah et dont personne n'est associé dans celle-là. Et il y a une deuxième guidance qui est à Allah azawajal et qui est également au prophète et à tous ceux qui appellent à la vérité. La première, c'est ce qu'on appelle Hidayat al-Tawfiq, c'est-à-dire la guidance dont Allah Azza wa Jal, ou la guidance par laquelle Allah Azza wa Jal, il guide qui il veut parmi ses créatures, c'est-à-dire qu'il les fait rentrer dans l'islam. Tout simplement. Cette guidance-là, lorsque toi, ô musulman, tu vas rentrer dans l'islam, Allah Azza wa Jal, il t'a guidé de par cette guidance, et qui s'appelle donc Hidayat al-Tawfiq. Taïeb. Par contre, le mécréant, celui qui n'a pas cru à l'islam, ou qui n'a pas encore cru à l'islam, est-ce qu'il a bénéficié de cette guidance? Bien sûr que non. Il n'a pas bénéficié de cette guidance, sinon on serait musulman. Donc cette guidance-là, elle est propre à Allah Azza wa Jalla. C'est lui qui fait rentrer dans l'islam qu'il veut. Et ça appartient à personne. Ni au prophète, et ni personne d'autre en dehors du prophète. Yaqul Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ça c'est fi surat al qisas, qui est verset 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Tu ne guides pas qui tu veux. Il parle à son prophète, sallallahu. Il parle à son prophète, Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta. Tu, c'est-à-dire toi, Muhammad, ne dirige pas celui que tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha. Mais Allah azawajal guide qu'il veut. Donc dans la deuxième partie du verset, mais c'est Allah qui guide qu'il veut. Il faut voir ici que al-hidayah, hidayah tout tawfiq. C'est qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui le guide, qui le veut. Toi, Mohammed, tu ne guides personne à l'islam. Toi, ta fonction, c'est de diriger les gens, de montrer la voie, d'orienter, de conseiller. Et ça, c'est la deuxième catégorie qui est Hidayatu ad-dilala wal-irshad wal-bayan. Kama tasha'u. C'est-à-dire la guidance qui est propre au fait d'orienter, au fait de montrer la voie. Donc c'est une guidance qui appartient à Allah et qui appartient également aux créatures. Allah Azza wa Jal a donné aux créatures. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il guide dans le verset qu'on a cité, surat al-Shura, le verset 52, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. On a vu ici qu'Allah Azza wa Jal a dit le sens donc du verset, et en vérité tu guides vers un droit chemin. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu guides ici, c'est bien guidance, c'est bien le terme la tahdi, qui vient du terme al-hidayah, cette guidance-là, elle est donc générale. Et elle est propre à toute personne qui indique la voie. Donc c'est le fait tout simplement d'indiquer la voie, de montrer la voie. Maintenant, une personne devient devant toi, tu l'invites à l'islam. Tu lui fais la da'wah, c'est-à-dire que tu vas l'appeler à l'islam. Tu vas lui dire l'islam, c'est comme ça, notre religion, c'est comme ça, notre croyance, c'est comme ça, etc. Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Tu es en train de concrétiser ce qu'on appelle cette deuxième catégorie, ou cette catégorie qui est beaucoup plus générale, qui s'appelle al-hidayah ad-dilala wal-irshad wal-bayan. Tu mets en évidence la religion. Donc par rapport à cela, tu guides la personne, tu lui montres la vérité. Donc ça, c'est une guidance. C'est une guidance qui est propre donc à tout le monde. Et c'est celle qui est citée dans la première partie du verset qu'on étudie, Wallahu yad'u ila daris salam. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il appelle à la demeure de la paix, il appelle donc, on a vu que ça c'est mahvouf, c'est-à-dire le complément, il est ici supprimé, il appelle tout le monde. Allah Azza wa Jalla appelle tout le monde. C'est-à-dire al-ma'na, c'est-à-dire qu'il donc il montre le chemin à tout le monde. Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran. Allah Azza wa Jalla a fait descendre ou a envoyé son prophète. Et ensuite, il a fait qu'il y a eu des savants qui ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a eu également des du'at, et qu'il y a eu des gens qui ont appelé à l'islam. Tous ces gens-là, ils appellent quoi ? À la demeure de l'au-delà. Ils appellent les gens à rentrer au paradis. Ça, c'était leur fonction, ce sera leur fonction. Et donc, cette guidance, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire, bien sûr, ceux qui remplissent cette fonction de la da'wa, du prêche. Donc Allah Azza wa Jalla, il invite, il appelle, yad'u ila daris salam. Et ça, c'est bien sûr ummatu da'wa. Donc on voit encore également ici, on voit bien sûr l'emplacement des termes. Da'wa, ummatu da'wa, le terme qui revient, da'wa. Donc Allah Azza wa Jalla, il appelle tout le monde. Tayyib, Allah Azza wa Jalla, il appelle tout le monde à entrer dans l'islam. Mais ensuite, wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Mais il guide qui il veut. Yahdi, il guide qui veut. Et donc ici, bien sûr, le complément il est mis en apparence, il apparaît. Il guide qui il veut sur le droit chemin. Et ça, c'est al-hidayatu at-tawfiq. Hidayatu at-tawfiq. Ça, c'est la deuxième catégorie de al-hidayah, de la guidance, et qui est propre à Allah Azza wa Jalla. Qui est propre à Allah Azza wa Jalla. Donc c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui guide sur l'islam et qui fait donc rentrer les gens dans l'islam. C'est de par sa guidance, subhanahu wa ta'ala. Et ça appartient à personne d'autre, sinon à lui. Et donc on revoit que la première, la guidance qui va être dite, hidayat al-tawfiq, c'est une guidance donc qui est khassa. Tayyib, c'est pour ça que le shir dit. Wawa. Man sha'a Allahu hidayatahu wa hum ummatul al-ijaba. Taïb, lorsqu'il a bien sûr cité le verset وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, il dit مَنْ شَاءَ اللَّهُ هِدَايَتَهُ وَهُمْ أُمَّةُ الْإِجَابَةِ. Taïb, donc Allah Azzawajal, de qui il veut, il les guide. À qui il veut, il donne cette guidance-là. Il les guide sur le droit chemin. Il les guide, bien sûr, sur Al-Haq, sur la vérité. Et c'est donc Ummatul Ijaba, ceux qui ont répondu. Donc ici, Fad-da'watu ammatun li kulli ahad. Donc c'est un prêche qui est en fait général et qui est donc pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal, il n'a pas fait apparaître Al-Maf'ul Bih, c'est-à-dire le complément, pour donner donc l'aspect, un aspect qui va être général. Par contre, يقول الشيخ والهداية إلى الصراط المستقيم خاصة لمن شاء الله هدايته. C'est-à-dire, il nous dit le shir ensuite que la deuxième, ou plutôt la guidance donc qui est propre à Allah Azzawajal, sur la première, la deuxième, tout dépend comment on l'a cité, à la kulli hal, celle qui est propre à Allah Azzawajal, خاصة, donc elle est spéciale, elle est donc restreinte à celui qu'Allah Azzawajal a voulu guider. Donc on voit dans la première partie du verset وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ هَذَا عَامٌ, pour tout le monde. وَيَهْدِي بَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, c'est particulier, c'est restreint à ceux qu'Allah Azzawajal a guidés sur l'islam, c'est-à-dire les musulmans. مَنْ يَشَاءُ, et lorsqu'Allah Azzawajal cite en fait comme dans l'autre verset وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, également ici on voit que c'est donc le complément également ici supprimé, et il veut dire donc il donne l'aspect qui est général, que ce soit donc pour Allah Azzawajal ou que ce soit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que Allah Azzawajal et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont appelé les gens à quoi? Ont appelé les gens à rentrer dans l'islam, ont appelé les gens au Jannah et la Dar al-Salam, et ça bien sûr c'est al-hidayatu ou hidayatu al-dilala wal-irshad wal-bayan. Ensuite le shir Hafizahullah, il prend un deuxième passage de sourate Yunus, et c'est le verset 26. Yaqulullah Azza wa Jal, Lillazina ahsanu al-husna wa ziyada, wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah, ulaika ashabul jannah, hum fiha khalidun. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ, à ceux qui agissent en bien et réservent la meilleure ou le meilleur, et bien sûr sous-entendu la récompense, وَزِيَادَ, et même davantage, وَزِيَادَ, c'est-à-dire quelque chose de plus. طيب, وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ, nulle fumée noircissante, nul avélissement ne couvrira leur visage. Oulaïka ashabul jannah, ceux-là sont les gens du paradis, hum fiha khalidun, où ils demeureront éternellement. Allah Azzawajal nous parle de bienfaisance, al-ihsan. Lilladhina ahsanu. Ey, yaqul ash-shir, ahsanu fi ibadati rabbihim. وَأَحْسَنُوا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ بِأَيْ وَجْهٍ مِنْ وُجُوَ الْإِحْسَانِ, c'est-à-dire qu'ils ont أَحْسَنُوا فِي الْعِبَادَ, c'est-à-dire qu'ils ont été, ils ont fait la meilleure, ou ils ont accompli de la meilleure des façons leur adoration pour Allah Azza wa Jalla. أَحْسَنُوا, ils ont été bienfaisants par rapport à cela, ils l'ont fait avec ihsan, lorsqu'ils ont fait l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, ils l'ont fait avec ihsan, avec bienfaisance. Et également, وَأَحْسَنُوا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ, non seulement ils ont été bienfaisants envers Allah Azzawajal en concrétisant cette adoration comme il se doit, mais également ils ont été bienfaisants, ils ont fait preuve de bienfaisance vers les autres, c'est-à-dire les créatures. وَأَحْسَنُوا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ بِأَيْ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْإِحْسَانِ, c'est-à-dire sous tous les aspects de la bienfaisance, tout ce qui rentre dans la bienfaisance, tout ce qui rentre de manière générale. Taïb, ça c'est ce que Allah Azzawajal il parle dans son Coran lorsqu'il dit lilladhina ahsanu. Ensuite le shir dit anna jazaa'ahum 'indallahi al-husna wa hiya al-jannatu wa ziyadatun wa hiya al-jannah. طيب, et que leur récompense 'indallahi al-husna wa hiya al-jannah, معنى al-husna ici c'est al-jannah, c'est le paradis. On va voir que le shir bien sûr lorsqu'il nous dit cette parole-là, il se réfère bien sûr à des preuves, comme on va voir. Et ensuite, donc al-husna, ma'na, égale al-jannah. Wa ziyada, wa ziyada, wa ya al-navaru ila wajillahi ta'ala, azza wa jal. Wa ziyada ici, le terme, wa ziyada, et encore plus, al-navaru ila wajillah. C'est le regard envers Allah. Le regard que l'on va avoir, le regard que l'on va avoir envers Allah. C'est-à-dire lorsqu'on va regarder Allah Azzawajal, hada c'est ziyada, c'est ce qui est en plus, c'est le plus qui va nous être donné, le plus par rapport à quoi? Le plus ou ce qui est en plus du paradis. Rawa Muslim fi sahihi. Donc on voit que le cheikh, la preuve qu'il va nous apporter, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Rawahu Muslim fi sahih. On voit ici que le cheikh, il va donc expliquer le Coran bi as-sunnah. Il explique donc le Coran par la sunnah. Ça fait partie bien sûr, comme on l'a déjà vu, de la deuxième al-martabatu thaniya fi tafsir al-Qur'an. C'est-à-dire de la deuxième étape dans l'explication du Coran. L'explication du Coran par la sunna. Et c'est la différence entre les gens de l'innovation et les gens de la sunna et du consensus. La différence, c'est qu'ils prennent les preuves de la sunna pour expliquer le Coran. Pas de leur tête. Rawa Muslim fi sahih an Suhayb, an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تالى هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فدل هذا الحديث على تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. Le verset, c'est le hadith, c'est le suivant, qui est rapporté par Suhayb, radiyallahu ta'ala anhu. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, إذا دخل الجنتي الجنة. Lorsque les gens du paradis vont entrer dans le paradis, Allah عز وجل, il va leur dire, يُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ. Est-ce qu'ils veulent quelque chose de plus, c'est-à-dire quelque chose je vais leur donner en plus. Fayaqulun alam tubayyib wujuhana, c'est-à-dire tu n'as pas éclairci, tu n'as pas rendu clair nos visages. Alam tudkhilna al-jannah, c'est-à-dire tu ne nous as pas rentré dans le paradis. Est-ce que tu ne nous as pas rentré dans le paradis? Wa tunajjina minan nar, et tu ne nous as pas sauvé du feu. Qal fayakshifu al-hijab, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Allah Azza wa Jal, il ôte le voile. Fayakshifu al-hijab, l'autre le voile, Allah Azza wa Jal, qu'il y a entre lui et ses créatures. Fama touché un habba ilayhim, on ne leur a pas donné quelque chose de plus, de qui est de plus aimé auprès d'eux, bien sûr, auprès des créatures. Mina nabari ila rabbim, c'est-à-dire de ce regard qu'ils auront envers Allah Azza wa Jal, qu'ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sera la meilleure des choses. C'est pour ça que le verset wa ziyada, en plus de Al-Husna, qui est encore plus, un plus. C'est-à-dire que le prophète, lorsqu'il explique ce verset, il nous récite le verset. Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Donc on comprend de manière claire et évidente qu'il nous explique donc, il nous a expliqué à travers sa parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'était Al-Husna, et donc ici qui est Al-Jannah, et qu'est-ce qu'était Al-Ziyada, qui est bien sûr le regard que l'on aura envers Allah Azza wa Jal. Il nous dit le shir, et ça bien sûr on va le revoir dans les cours de la croyance, inshallah. On va revenir et on va voir de manière détaillée cette partie de la croyance, ce point très essentiel de la croyance où beaucoup de gens se sont égarés, bil asaf. Ensuite le shir nous dit nam, taïb. Il nous dit que plusieurs, c'est-à-dire ru'yatul mu'minin rabbahum fi dar al-akhirah, c'est-à-dire que les croyants verront leur Seigneur. Il y a plusieurs bien sûr, dans l'au-delà, il y a plusieurs versets qui sont venus à propos de ça. Parmi ces versets-là, surat al-Qiyamah, qui est le verset 22-23, إلى ربها ناظرة وقولوا كلا إنهم عن ربهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كما في سورة المطففين qui est le verset 15. وجد دلالة, l'aspect argumentatif de ces versets. Donc le premier, ce jour-là il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. إلى ربها ناظرة. Regardez comment le verset du Coran explicite dans ce point essentiel de la croyance. Et donc ils vont regarder leur Seigneur. Qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. C'est-à-dire que nous pourrons voir qu'il y aura un voile qui va les séparer. De qui ? De leur Seigneur. Et donc, l'aspect argumentatif ici, pour ce qui est du premier verset, c'est clair. C'est clair et net, explicite. Le deuxième verset, c'est tout simplement que أَنَّهُ لَمَّا حُجِبَ الْكُفَّارُ عَنْ رُؤْيَةِ اللَّهِ إِسَخَتِي عَلَيْهِمْ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ يَرَوْنَهُ لِيَرِضَاهُ عَنْهُمْ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِي رَحِمَ اللَّهِ. Donc il nous dit, comme nous a donné l'explication de l'imam Shafi'i, qui nous rapporte l'explication donc de l'imam Shafi'i, comment on comprend ce verset ? C'est tout simplement que l'imam Shafi'i, bien sûr, min as-salaf. Il fait partie, bien sûr, des salafs, bien sûr, de nos grands savants parmi les salafs. Il dit tout simplement, lorsque les kuffars, il y aura donc un voile entre eux et leur Seigneur, et qu'ils ne pourront donc voir leur Seigneur, contrairement au verset Surat al-Qiyamah. Et le shir, bien sûr, Surat al-Qiyamah, il va revenir, il va réexpliquer. Donc on verra également plus en détail ce verset, Inch'Allah. On l'expliquera encore plus et comment on va réfuter à ceux qui ont dénié, qui ont renié la vue d'Allah Azzawajal, Yawm al-Qiyamah, parmi les gens de l'innovation, ceux qui ont démenti ce que le prophète sallam nous a dit et ce qu'Allah avant cela, ce qu'Allah Azzawajal nous a dit dans son Coran. Donc il nous dit, lorsque Allah Azzawajal va placer donc ce voile, lorsqu'ils seront mahjoub, c'est-à-dire qu'ils seront voilés, ils seront voilés, ces gens-là. Voilés de quoi ? De voir Allah Azzawajal à cause de la colère d'Allah sur eux. Alors ceci prouve que, bien au contraire, en sens opposé, que c'est Aoulia. Dans le verset suivant, que le cher nous expliquait, on va voir que Marna Aoulia. On va voir qu'il nous dit, cher d'Allah, ala anna Aoulia ahu yaraunahu li ridahu anhum. C'est-à-dire tout à l'opposé. L'opposé de Sakhab, bien sûr, la colère qui est bien sûr l'agrément. Et donc, et le contraire, bien sûr, des kuffars, qui est l'aoulia, qui est bien sûr les proches, ceux qui sont proches d'Allah Azzawajal, ceux qui sont, on verra dans détail l'explication, même si on peut traduire par les proches d'Allah Azzawajal, yaraunahu li ridahu anhum, c'est-à-dire, on peut traduire également par les pieux, ceux qui verront donc leur Seigneur, dont ils verront leur Seigneur. Eux, ils n'ont pas pu voir leur Seigneur à cause de leur mécréance et à cause qu'Allah Azzawajal a été en colère contre eux. Eux, ils verront leur Seigneur à cause de l'agrément qu'Allah a eu envers eux et à cause de leur croyance, bien sûr, et de leur iman, de leur foi. Il nous dit le shir qu'il y a plus de 30 sahabiyan, plus de 30 compagnons qui ont rapporté des hadiths qui comprenaient donc l'attestation que les croyants verront leur Seigneur dans l'au-delà, dans le paradis. 30 sahabi. 30 sahabiyan, 30, comme l'a cité Ibn al-Qayyim dans son livre Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah, ila bilad al-Afrah. Donc c'est quelque chose qui est mutawatira, quelque chose qui est connu, quelque chose que personne ne dénie. Balara hadd al-tawatur, subhanallah. Ils ont expliqué également le terme tawatur dans la législation. Qu'est-ce que ça voulait dire? يقول الشيخ وممن أنكر رؤية الله في الدار الآخرة المعتزلة. Ceux qui ont, parmi donc les sectes qui ont dénié, qui ont renié cela, qui n'ont pas attesté la vue d'Allah Azzawajal, ou enfin la vue qu'auront les croyants de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, ce sont al-mu'tazila. ومنهم الزمخشري. On a déjà parlé de al-Zumakhshari On a dit que c'était bien sûr, il avait un. Et le cheikh, donc à travers ce livre-là, il a réfuté plusieurs fois les paroles de Zomar Shari. Pourquoi ? Parce que Zomar Shari, on a dit que c'est bien sûr celui qui a écrit un des grands tafsirs qui s'appelle Al-Kashaf. Zomar Shari, c'est un grand savant dans la langue arabe. Et bien sûr, lorsqu'il écrit ce livre, les savants ont profité de yani, ce tafsir par rapport, bien sûr, à la langue et par rapport à d'autres, peut-être à d'autres points. Mais bien sûr, il faut savoir que ce livre-là comporte, bien sûr, Al-Bala, c'est-à-dire qu'il comporte des choses qui sont complètement contradictoires avec la croyance des gens de la sunna du consensus. Pourquoi ? Parce que son auteur est un Mu'tazili. C'est un Mu'tazili. Et comme le shir le dit, وَمِنْهُ وَزُمَرْ شَرِيفِ صَاحِبُ الْكَشَّافِ, donc son livre ou son tafsir qui s'appelle Al-Kashaf. Et dans ce livre, dans son tafsir, il va en fait dénier, renier la vue d'Allah Azzawajal, ou la vue que les croyants vont avoir d'Allah Azzawajal le jour du jugement, et par un procédé très très précis. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, c'est un grand savant dans la langue arabe. Itamakkunihi fi ilm al-balagha, l'éloquence, la science de l'éloquence au niveau de la langue arabe. Yastadillu li madhhabihim al-batil bi ba'd al-ayat ala wajhi la yatafattan lahu. C'est-à-dire que peu de gens vont, lorsqu'ils vont lire bien sûr son tafsir, vont prêter attention à cela, sauf celui vraiment qui va, c'est-à-dire qui va vraiment se concentrer et qui va vraiment lire avec précision ce que dit cette personne à travers l'explication des versets du Coran, c'est-à-dire l'explication que lui donne à travers les versets du Coran. C'est pour ça qu'il dit le cher, peu de gens vont faire attention à cela, parce que c'est un procédé qui est très précis. Et parmi ceux qui ont refuté cela, l'imam As-Suyuti, qui ont réfuté, donc bien sûr son livre, son fameux livre qui s'appelle Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, qui ont réfuté également la parole de Zomar Shari. C'est pour ça qu'il dit, l'imam As-Suyuti, wal mubtadi alaysa lahu qasdun illa tahrif al-ayati wa tasuha ala madhhabi al-fasi. C'est-à-dire que l'innovateur, il n'a pas d'autre qasd, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre intention sinon de tahrif, d'altérer les versets du Coran et de les mettre, c'est-à-dire de les diriger vers son madhab, vers sa propre école. Bien sûr, ici le madhab, c'est l'école de croyance, c'est par rapport à la croyance, bien sûr, al-fasid, parce que le terme madhab, c'est un terme qui est général. On peut vouloir dire une école de jurisprudence, on peut vouloir dire également une école qui est propre à la croyance, une école propre à la croyance. C'est-à-dire un enseignement qui va être propre à la croyance. Donc c'est pour ça qu'il dit à la madhhabi al-fasid, qui est bien sûr qui n'est pas valable. Et il va nous citer le verset suivant. Regardez ce qu'il dit à Zomar Shari. Il vient dans un des versets du Coran et regardez ce qu'il dit, et c'est le verset suivant. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Regardez comment il va expliquer ce verset. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Regardez le verset. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Qu'est-ce qu'il dit ? يقول وأي فوز أعظم من الدخول أو من دخول الجنة. Il dit cette parole-là, وأي فوز أعظم من دخول الجنة. Il dit quelle est ou y a-t-il une réussite plus grande que de rentrer au paradis ? Y a-t-il une réussite plus grande que de rentrer au paradis ? Il veut dire quoi par là ? Et c'est ce que nous informe ce Suyuti. Où il veut dire par là tout simplement que le fait que le croyant rentre au paradis, ça c'est la plus grande des récompenses et la plus grande des réussites. Et on sait que cela n'est pas la plus grande des réussites. La plus grande des réussites et la plus grande faveur qui va être faite au croyant, c'est quoi ? C'est qu'il voit son Seigneur. C'est qu'il voit son Seigneur. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le verset qu'on vient d'expliquer, le verset qu'on en explique, l'illadina ahsanu al-husna wa ziyada, al-husna qui est le jannah, wa ziyada, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en plus du jannah, qui est un degré encore, qui est un degré plus élevé que le al-jannah, et qui est donc la vue qu'auront les croyants de leur Seigneur le jour du jugement. Et par rapport à ça, donc, lorsqu'il explique le verset de cette manière-là, il veut tout simplement dire que c'est simplement Al-Jannah qui est la plus grande des récompenses. Pourquoi ? Parce qu'il nie Al-Ru'ya, il nie que les croyants vont voir leur Seigneur dans le jour du jugement. Donc regardez l'explication qui est donnée, et qu'est-ce qu'il a voulu par là ? Qu'est-ce qu'il a voulu par là ? Ensuite, le cheikh, pour finir l'explication, il dit وَمِثْلُ قَوْلِي تَعَالَى لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى, c'est-à-dire qu'il va donner des versets qui sont dans la signification semblable à ce verset-là, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى, cette partie du verset, قَوْلُوا تَعَالَى هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ كَمَا فِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ, qui est le verset 60. كَمَا أَنَّ جَزَاءَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَيَا الْجَنَّةِ, et sur le verset, s'y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Et donc il nous dit le shir, comme bien sûr la récompense de ceux qui ont fait la bienfaisance sera bien sûr al-husna, et qui est donc le jannah, فَإِنَّ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ وَالسُّوءَ النَّارُ. Donc السُّوءَ c'est le contraire de al-husna, et c'est bien sûr l'enfer. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. Ça c'est في سورة الروم, et c'est le verset 10. Donc bien sûr c'est le contraire par rapport à la rétribution. Puis mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal. نعم. يعني السوء qui est la malfaisance. C'est-à-dire en fait la récompense sera le feu. والله المستعان. عياذا بالله. Taïb, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Ça fait une heure courte. Et donc, il restera simplement un verset, une petite partie d'explication pour Surat Yunus. Comme on l'a dit, c'est l'explication. Qu'est-ce que veut dire le terme Aulia? Aulia Allah. Un terme qui est employé ou qui est compris parfois à tort. Donc, on verra, Inch'Allah. Et on continue ensuite, fi Surat Hud. Bi idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.